السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. في الجمعة الماضية قرأنا شيئا من كتاب العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شروط الصلاة وأركانها، أو نقول شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. La semaine passée, nous avons commencé la lecture du livre du grand savant et revivificateur de l'islam, Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah ta'ala. Ce livre qui s'intitule « Les conditions de la prière, ses piliers et ses obligations ». Et la semaine passée, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, son aide et son assistance, وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, nous avons pu étudier « شُرُوتُ الصَّلَةِ » les conditions de la prière. Qu'est-ce qui nous rappelle ces conditions? Qu'est-ce qui nous rappelle ces conditions? Et avant cela, on avait cité l'importance de cette adoration qui est le second pilier de l'islam. Iqamatu salah, c'est la chose la plus importante après shahadata. L'accomplissement de la prière est la chose la plus importante en islam après l'attestation de foi. La première chose à laquelle on invite les gens, c'est d'attester de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. Ils doivent reconnaître qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée excepté Allah. Ils doivent renier le droit à l'adoration pour toutes les créatures, puis affirmer que le seul qui mérite entièrement l'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ. Ceci est car Allah est la vérité, et ce qu'ils invoquent ou adorent en dehors de lui, le faux. Et certes Allah est le plus haut, le plus grand, ou le très haut et le très grand. Et c'est pour cela que l'ensemble des prophètes, c'est pour cela que l'ensemble des messagers ont été envoyés. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Et nous avons envoyé dans chaque communauté, un messager pour leur dire n'adorez qu'Allah et éloignez-vous de ceux qui adorent en dehors de lui. Donc ça, c'est le message principal de l'islam, sa base, et la prédication de l'ensemble des prophètes et messagers, mais aussi de ceux qui les ont suivis avec excellence. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ. Al-Aya dit, voici ma voix, j'appelle à Allah, j'appelle les gens à unifier Allah d'un culte sincère, j'appelle les gens à l'islam avec clairvoyance, moi ainsi que ceux qui me suivent. Donc les suiveurs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont des gens qui invitent autrui à l'islam, au tawhid, avec science. Naam. Et ce fut le prêche des compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam de son vivant et après sa mort. Ya Mu'ad, innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab, falyakun awwal ma tad'uhum ilay shahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Ô Mu'ad, tu vas te rendre un peuple des gens du livre, que la première chose à laquelle tu les invites soit d'attester il n'y a point de divinité digne d'être adorée excepté Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah. Tout comme c'est le prêche du Coran, C'est le prêche des messagers, c'est le prêche du dernier et meilleur des messagers, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est aussi le prêche de ses compagnons et de ceux qui l'ont suivi avec excellence. Et regardez, méditez la suite du hadith. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ. S'ils t'obéissent en cela, s'ils reconnaissent le tawhid wa an-nubuwwah, s'ils attestent de la wahdaniyya d'Allah dans l'uluhiyya et de la risala du prophète Mohammed ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là seulement, informe-les, invite-les à quoi? À la salat. فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَالْلَيْلَةِ فَهَذَا أَصْلٌ أَصِيلٌ وَدَعْوَةٌ مُبَارَكَةٌ مُسْتَفَادَةٌ من كتاب ربنا عز وجل وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. Donc ça c'est une base qu'on doit sans cesse se rappeler, appliquer, concrétiser et propager. Après cela seulement vient as-salat, la prière. Wa hiya ar-ruknu ath-thani min arkan al-islam. Et c'est le deuxième pilier parmi les piliers de l'islam. Wa salah silatun wa thiqatun bayn al-'abd wa rabbih. Et la prière est un lien solide qu'il y a entre le serviteur et son seigneur. Entre le serviteur et son seigneur. Et dans la salat, une multitude d'adorations s'invite. Lorsque la personne fait salah, Allah Azza wa Jal bénit beaucoup en cette personne et lui accorde beaucoup de barakat et de hasanat. Et la bonne action, lorsqu'elle est réalisée, elle invite une autre, puis une autre. Et les anciens disaient, si tu vois une personne faire une bonne action, sache qu'il y en aura d'autres. Lorsque la personne fait une salat, on l'appelle à faire une autre, puis une autre, puis une autre. Ne voyez-vous pas que lorsque la personne fait la prière, c'est une personne qui se purifie. C'est une personne qui fait le wudu. Avant même d'entrer en salat, elle en ibad. En faisant le wudu, Allah lui efface ses péchés. Lorsqu'elle finit le wudu, Allah lui facilite une autre adoration. الدُّعَاء الأذكار اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وبين الشهادتان نعم tout ça. Et la salat n'a pas encore commencé. Puis il sort de chez lui et il se dirige vers Baytullah. Et c'est pas là, on lui inscrit, on lui écrit, il est récompensé, il est élevé pour chacun de ses pas. Et il n'est pas encore entré au masjid, il n'a pas encore commencé ça. Regardez la baraka de celui qui fait salat. Et ô combien Allah Azza wa Jal a été généreux envers ceux qui accomplissent la prière. Puis il entre au masjid, avant de s'asseoir, il fait deux rak'ah. Regardez toute la préparation qu'on a mis autour de la prière obligatoire, afin qu'elle soit correctement accomplie, et afin que le serviteur obtienne une grande récompense auprès d'Allah Azza wa Jal. Puis il prie et il attend la salat. Le temps qu'il l'attend, tout ce temps-là, il est en salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il est en salat. Na'am. Et lorsqu'il attend une salat, les anges font dua pour lui. Allahumma aghfir lahu warhamhu. Tout cela, la salat n'est pas encore là. Puis il entend l'adhan. Il écoute l'adhan. Il répète ce que dit le mu'adhin. Sauf lorsqu'il dit, hayya ala salah, hayya ala al-falah. Il dit, la hawla wa la quwwata illa billah. À la fin de l'adhan, il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et invoque en sa faveur pour qu'il ait le maqam al-mahmoud. Suite à cela, Allah azza wa jal lui donne al-shafa'a. C'est une cause pour obtenir al-shafa'a. Et la shafa'a, c'est Allah azza wa jal qui la possède et lui qui l'accorde à qui il le souhaite parmi ceux qu'il a agréé. Na'am. Puis, entre l'adhan et l'iqama, le dua c'est mustajab. Et il lui est légiféré salat. Il emmagasine combien de hasanat depuis le wudu et il n'a même pas encore commencé salat. Subhanallah. A'anil fariba. Il prie 2 raka'ah ou bien 4. Il fait dua, l'istighfar. Allah exauce ce qu'il demande entre l'adhan et l'iqam. On lui enlève un problème, on lui guérit une maladie, on guide un égaré, on lui soigne un malade, on le délivre d'une difficulté. Tout cela entre l'adhan et l'iqam. Puis là, il y a l'iqam, comme l'adhan et shaytan, adbar. Il s'est sauvé. Voilà, hudurat. Et ensuite, l'iqama, et là, il se lève, et il s'apprête à comparaître devant Allah, le Seigneur des mondes. Cette prière qu'on accomplit au quotidien, al-fajr, al-zuhr, al-asr, al-maghrib, wal-isha, ça, c'est le lien le plus solide que tu peux entretenir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il y a l'iqama, tu te lèves. Naam. Tu te lèves pour te tenir debout, humilié, avili, rabaissé devant ton Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette prière, on doit la considérer. Cette prière ne doit pas être accomplie mécaniquement. Non. Tu vas à la rencontre de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Tu réponds à l'appel de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Tu réponds à l'appel d'Allah Azza wa Jal dans ce avec quoi tu vas obtenir la vie des cœurs, en plus de la vie du corps, avec l'iman wa l'izdiyad min dhalik. Donc cette salat, on doit savoir comment l'accomplir, quelles sont ses conditions, quels sont ses piliers, ses obligations, comment la corriger si on se trompe. Non. D'où l'importance d'étudier fiqh al-tahara, fiqh al-salah. Cette science n'est pas une science secondaire. Naam. Une science tanawiya, si tu étudies c'est bien, si tu étudies pas c'est pas grave. Non. Il en va de l'authenticité de ta prière, le deuxième pilier de l'islam. Et on a cité et recité, on se rappelle que tous les ordres ont été révélés au prophète alayhi salatu wassalam alors qu'il était sur la terre. Excepté Salah, il y a eu le mi'raj, Allah Azza wa Jalla l'a élevé au-dessus des 7 cieux pour lui ordonner sans intermédiaire, comme Allah Azza wa Jalla a parlé à Moussa alayhi salam, il a parlé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui a ordonné Salah. Ça te montre l'importance de la prière. Amma de faire le wudu rapidement et de prier et de repartir à tes occupations et tu es le même qu'avant d'entrer pour celui qui vient au masjid. Ça, c'est une grande perte. Ça, c'est une grande perte. C'est celui qui n'a pas considéré, valorisé et connu ce qu'est Essa. C'est pour cela que certains disent, Allah dit dans le Coran, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Certes, la prière éloigne des turpitudes et du blâmable. Et moi, ça fait tant et tant d'années que je prie, mais je suis toujours dans telle et telle faute, dans tel et tel péché, tel et tel comportement. Pourquoi? Parce qu'il a prié. Voilà qu'il l'aime au qu'il Essa. Il a prié, mais il n'a pas accompli la prière. Il n'y a pas tout ce qu'on a cité autour, et plus encore à l'intérieur de cette salat, al-khushu', la concentration, na'am, et les adhkar, et la compréhension de ce que tu lis, de ce que tu dis, des postures, la connaissance de la manière faite auparavant par le prophète, alayhi salatu wassalam, et ta ressemblance, toi, d'avec ses actions. Tout cela va faire ta prière. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit wa innama al-'ilm bit-ta'allum. La science avec l'étude. Tu peux pas te réveiller comme ça un jour et tu connais tout. Non. La budda min al-julus wa al-talab wa al-sabr wa al-istibar. Il faut endurer, il faut patienter, il faut venir s'asseoir, il faut écrire, noter, mémoriser wa hakka. Et un des savants, hafidhahullahu ta'ala, dans son assise, il a dicté une information pour Vital. Il a dicté une information profitable. Et les gens écoutaient le cours et aimaient le cours et leur cœur bougeait de par ce cours-là. Mais ils n'ont pas noté ce qu'il a dit malgré son importance. C'était la différence qu'il y a entre le nom d'Allah, Ar-Rahman, et le nom d'Allah, Ar-Rahim. Il a expliqué la différence, na'am, et il l'a détaillé. Et les gens étaient éblouis par la noblesse de cette information et sa beauté, son importance, sa richesse. Mais certains n'ont pas écrit. Il a dit à Ikhwan, Uktubu. Il a dit, oh mes frères, écrivez. Ma di'tum li tanzuru ilayhi. Vous n'êtes pas venus pour me regarder. Il n'y a pas d'amada de bien à regarder le visage de l'enseignant. Di'tum li akhdhi al-ilm. Mais vous êtes venus pour prendre la science. Celui qui vient, il note. Celui qui vient, il note, il comprend, il note, il apprend, il révise, il applique. Quand il maîtrise cela, il transmet. C'est ainsi que la personne se construit dans l'étude de la science. Donc on révise les conditions de la salat et on poursuit avec ces piliers, Inch'Allah ta'ala. Avant que j'oublie, demain, Inch'Allah ta'ala, la session d'été commencera demain, Inch'Allah ta'ala, pour ceux qui sont inscrits. Je vous rappelle que la session d'été commence demain, si mes souvenirs sont bons, de 14h30 à 17h30, c'est ça? De 14h30 à 17h30. Et on détaillera, Inch'Allah ta'ala, demain, le programme. Qu'est-ce qui nous rappelle la première condition de shurut as-salah? Naam, les choses nécessaires à rassembler pour que la prière soit valable, naam, avant cette salat. Et certaines conditions peuvent accompagner la personne dans sa salat. Naam. Al-Islam, la première condition, al-Islam. Donc celui qui n'a pas l'Islam, sa prière n'est pas valable. Voyez, celui qui se convertit à l'Islam, est-ce qu'on lui demande de rattraper toutes ses prières depuis sa puberté? Non, ça c'est excusé. Mais il commence la salat dans le temps de sa conversion. Dans le temps de sa conversion. La deuxième et troisième condition. Une damen. Al-aqlu wa tamyiz. Ahsant. Barakallahu fik. La raison et le discernement. La raison et le discernement. Wadidul aql al-junoum. Celui qui a perdu la raison, sa prière n'est pas valable. Et entre dans cela les autres manières de perdre la raison, comme celui qui est drogué ou autre. Celui qui n'a pas la raison, sa salat n'est pas valable. Sa salat n'est pas valable. La troisième, at-tamyiz, le discernement. Lorsque l'enfant complète 7 ans. Lorsque l'enfant complète 7 ans, il distingue entre le bien, le mal, il comprend ce qu'on lui dit, il est capable de répondre et ainsi de suite. Le prophète, alayhi salam, a ordonné aux parents et aux responsables d'ordonner salat à leurs enfants lorsqu'ils ont 7 ans. La quatrième condition, naam, indaman, raf'ul hadath, sortir de l'état d'impureté, c'est-à-dire faire al-wudu. C'est-à-dire faire al-wudu. Puis on a détaillé shurutu al-wudu wa furuduha. On a cité les conditions des ablutions et ses obligations. Pourquoi est-ce qu'ils ont appelé cela les obligations des ablutions? Car ça a été cité à la suite dans le verset 6 de Suratul Ma'idah. Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Et on ajoute à cela at-tartib wal-muala. Puis on a décrit la façon de faire al-wudu. Naam. Puis nous avons poursuivi avec le reste des conditions de Mada. Avant cela, on a cité les annulatifs de l'wudu. Puis on a poursuivi avec le reste des conditions de la salah. Quelle est la cinquième condition? Ndaman. Non. Avant ça, qu'est-ce qu'on a cité? C'est-à-dire la purification. Avant ça, izalatun najasa. De manière plus générale, izalatun najasa. Enlever toute impureté. On a dit que nous devons enlever, ôter toute impureté de trois choses. Lesquelles? Du vêtement. Du lieu sur lequel on prie, le sol sur lequel nous allons prier, et le corps. Ahsant, ahsant, barakallahu fikum. Ensuite, la condition suivante, satur al-awra, comme vous avez dit, le fait de couvrir la nudité. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Naam. Ensuite, vous avez cité istiqbal al-qibla, le fait de se diriger en direction de la qibla. Qu'en est-il de l'homme qui arrive de voyage, il arrive à destination plutôt, et il accomplit la prière chez celui qui l'accueille, mais il s'est trompé dans la qibla. Il a prié dos à la qibla par ignorance. Quel est le jugement de cette salah? Quel est le jugement de cette prière? Il voyage, arrivé sur place, il doit accomplir le dhuhr. Il était dans l'avion, l'heure du dhuhr est entrée, et il ne l'a pas prié car il ne pouvait pas prier debout. Naam. Et dans son temps, il allait arriver à destination. Quand tu arrives à destination, naam, dans le temps de la prière, tu ne pries pas assis dans le moyen de transport. Tu attends d'arriver pour prier debout. Ça, c'est dans le cas où tu sais que tu vas arriver dans le temps. Dans le cas contraire, tu pries assis dans l'avion ou autre. Naam. Donc, il a prié mais dos à la qibla par erreur. Il ne savait pas que c'était dos à la qibla. Quel est le jugement de cette salat? Elle est nulle. Pourquoi est-ce qu'elle est nulle? Il avait la capacité de demander, de savoir, de se renseigner. Donc sa prière, elle est bâtie. La condition, elle n'est pas excuse. Alors que si ça avait été une obligation de la prière, par erreur, il se trompe. Par exemple, le premier tachahoud, il oublie, il se lève. Est-ce qu'on dit que cette prière, elle est bâtie là? Non. Qu'est-ce qu'il va à la fin de la salat avant que tu Soudou sahou, sa prière est valable. Mais là, est-ce que c'est istiqbal al-qibla, est-ce que c'est un wajib ou c'est un shart? C'est un shart. Le shart, comme on le verra, la condition, si tu le délaisses la condition, volontairement, ou par oubli, ou par erreur, c'est pas excusé à la base. C'est pas excusé. Alors que l'obligation, si c'est par oubli ou erreur, c'est excusé et tu corriges cela avec sujoud sahou, la prosternation de la distraction. Comment est-ce que tu vas savoir si avec la prosternation de la distraction c'est bon ou pas, ou je dois rajouter une raka'a et venir avec la chose? En étudiant les conditions, puis les piliers, puis les obligations. Ainsi tu pourras faire la distinction entre ceux qui se corrigent avec sujoud sahou et ceux qui ne se corrigent pas. Ainsi tu es obligé de le ramener. Soit avec une raka'a en plus, soit en sortant de la salat. Soit en sortant de la salat, car il te manquait une condition comme le fait de faire le wudu. Il a oublié de faire le wudu. On ne dit pas s'excuser parce qu'il a oublié. Non, il a pas de salat. Il va faire le wudu et il revient. D'où l'importance d'étudier cela. Les conditions, puis les obligations, puis les piliers, puis les obligations. Naam. Donc, istiqbal al-qibla. Qu'en est-il de l'homme qui est en voyage? Durant son voyage, il s'arrête. Il n'y a personne. Il fait un effort pour trouver. Il trouve personne. Alors il prie. Plus tard, il s'avère qu'il n'a pas pris en direction de la qibla. Quel est le jugement de cette salat? Tu veux dire? Sahiha. Maintenant qu'il sait qu'il s'est trompé, est-ce que yalzamul i'ada? Est-ce qu'il est obligé de la recommencer? Non. Elle est valable. Elle est valable. Pourquoi? Fattakullah mastata'tum. Lui, il a craint Allah autant que possible. Wada? Tayyib. La dernière condition, an-niyya, l'intention. Naam, l'intention, et sa place est dans le cœur, il a prononcé, comme dire par exemple salatul asr ou salatul maghrib. C'est une bid'ah, c'est une innovation. L'intention, c'est dans le cœur. L'intention est dans le cœur. Innamal a'malu bin-niyyat. Ainsi, nous avons révisé les conditions de la prière, les choses à réunir et à accomplir pour que la prière soit valable. Naam, avant celle-ci, il y a des conditions. Et ces conditions peuvent t'accompagner dans ton acte, comme el-wudu. El-wudu, c'est une condition, c'est avant salat. Mais ça t'accompagne dans la salat, n'est-ce pas? Ça t'accompagne dans la salat. Maintenant, nous allons étudier, bi-ibnillahi azza wa jal, arkan al-salat. Arkan al-salat. Les piliers de la prière. Les piliers, c'est la même définition que les conditions, si ce n'est qu'elles sont partie intégrante de la prière. Elles sont partie intégrante de la prière. C'est ce qui compose la prière. Naam, c'est ce qui compose la prière. Ma la yalzamu min wujudihi l'wujud, wa la l'adam bidhatihi. Naam, wa la l'adam bidhatihi. Wa kana dakhilan al-mahiyya. Et ça fait partie de l'action. Les piliers de la prière composent, sont des parties intégrantes de la prière. Quant aux conditions, ça s'accomplit au préalable, ça s'accomplit avant l'action. Avant l'action. Naam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa arkanu s-salati 14. L'auteur nous dit les conditions de la prière sont nombreux de 14. Al-qiyam ma'a al-qudra. وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع ورفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين وطمأنينة في جميع الأركان والترتيب والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. L'auteur رحمه الله تعالى nous dit les conditions, les piliers de la prière sont nombreux de 14. Et lorsque tu transmets une science et que tu réunis ces connaissances dans un même passage, en commençant par citer le chiffre, naam, il y a un tashwir. Et Ani, tu maintiens l'étudiant en haleine, comme on dit. Il veut savoir quels sont ses piliers. Le fait de lui avoir cité juste le chiffre avant de les énumérer. Et ça, c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui faisait cela. Naam. C'est le prophète alayhi salatu wassalam qui faisait cela dans de nombreux hadiths. Deuxièmement, les savants disent la sagesse est la facilité de la mémorisation. La facilité de la mémorisation. Le premier pilier, al-qiyam ma'al qudra. Le fait de se tenir debout pour celui qui en a la capacité. Qui n'a pas la capacité de se tenir debout, par exemple? L'handicapé. Naam. L'handicapé. Il ne peut se tenir debout. Le malade, celui qui habituellement marche, peut se tenir debout, mais aujourd'hui il est malade, il n'a pas la force de se tenir debout. Ou en se tenant debout, ça retarde sa maladie ou accroît sa maladie. À la fois, ça retarde sa guérison ou ça accroît sa maladie. Ou ça lui est très pénible. À ce moment-là, elle m'achappe à tout âge, ici, la règle dit, la difficulté attire la facilité. Et ce sont les savants qui nous définissent ces choses-là. C'est pas de nous-mêmes. On se fait des règles et on choisit. Non, c'est régi par les textes. Donc celui qui a la capacité a l'obligation de respecter ce pilier. Il se tient debout du début de la salat. Naam, il ne dit pas Allahu Akbar puis il se lève. Non, El Qiyam Al Qudra. Il se tient debout avant toute chose. La preuve étant, Hafidhu ala salawati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Préservez les prières ainsi que la prière médiane et tenez-vous debout devant Allah. Et vous regarderez la traduction pour Qaniti. Donc c'est le verset 238 de Sourate Al-Baqarah. Ash-shahid wa qumu lillah qaniti. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Donc le dos de la personne, naam, doit être droit. Il doit être debout dans cette salat. Ça, c'est pour la prière obligatoire. En dehors de cela, il nous est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en voyage, ou dans les prières de nuit, Afwan, il a déjà prié assis. Il a déjà prié assis. Donc la personne, pour les prières de nuit, a le choix. En étant en santé, en ayant la santé de prier debout ou assis. Si ce n'est qu'en priant assis, il aura la moitié des récompenses. La moitié des récompenses. Il s'agit de celui qui n'a pas d'excuse. Quant au malade, qui habituellement fait des choses, on lui inscrit quand il est malade, même s'il ne le fait pas entièrement. Bifadillah azza wa jalla wa karami. Aussi en voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait sur sa monture, se mettant en direction de la Qibla, il faisait takbir, puis il ne se souciait plus de savoir la direction entreprise par sa monture, ou observée par sa monture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Imran ibn Husayn, à Imran ibn Husayn radiallahu anhu, qui est venu le voir pour lui citer une maladie. Si mes souvenirs sont bons, c'est le bawa, c'est qu'il avait les hémorroïdes. Naam. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a répondu: Salli qa'iman, prie debout. Fa illam tastati' faqa'idan. Si tu n'en as pas la capacité, alors assis. Fa illam tastati' fa'ala jamb. Si tu n'en as pas la capacité, alors sur le côté. Naam. Contrairement au sens dans lequel je suis, la personne s'allonge comme ça sur le côté, mais dans ce sens-là. Naam. Direction de la Qibla. Ce hadith est apporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Et dans le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn As, radiallahu anhumah, il y a la preuve que la personne peut prier assise lorsque ce n'est pas la prière obligatoire. Mais il a la moitié de la récompense. Le deuxième pilier, c'est takbiratul ihram. C'est le premier takbir, c'est-à-dire le fait de dire Allahu Akbar, premier takbir par lequel nous entrons dans la salat. Takbiratul ihram, il y a la notion de haram. Naam. Pourquoi est-ce qu'on a appelé cela? Comme l'État dit haram. Cette appellation, elle vient dans quoi, il dit, l'état du haram? C'est dans quel domaine, ça? Dans le hajj. Le hajj seulement? L'umrah aussi? Non. Dans le hajj et l'umrah, il y a l'état du haram. Hein? Il y a l'état du haram. La personne, avant d'entrer en état du haram, des choses lui étaient halal, licites, mubaha, permises. Après être entré en état du haram, de par l'intention de rentrer dans le nusuk, le hajj et l'umrah, il y a une multitude de choses qui lui étaient au préalable licites qui lui deviennent interdites le temps de l'ihram. Comme le fait de se couvrir la tête, le fait de mettre du parfum, de s'épiler, le mariage, marier, et ainsi de suite. N'est-ce pas? Cette même notion est retrouvée ici dans Takbiratul Ihram. L'homme, avant de dire Allahu Akbar, lorsqu'il entre dans la salat, il avait le droit de parler ou pas? De manger? De se tourner, de regarder au ciel, ainsi de suite. Lorsqu'il entre dans la salat en disant Allahu Akbar, il n'a plus le droit de parler, naam, discuter, manger, boire, lever les yeux au ciel, se tourner, marcher, et ainsi de suite. N'est-ce pas? Donc, c'est pour ça qu'on appelait ça Takbiratul Ihram, parce que c'est la limite, naam, entre les choses habituelles et l'entrée en prière. L'entrée en prière. Takbiratul Ihram a cette particularité. Tous les autres takbirats de la salat ne sont pas des piliers. Ce sont des obligations. Or, Takbiratul Ihram, lui, c'est un pilier. C'est un pilier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme c'est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, tahrimuha takbir. Tahrimuha takbir. وتحليلها التسليم. الحمد لله. Son interdiction est le takbir. Et sa permission est le taslim. Donc dès que tu fais le takbir, tu es entré en salade, des choses te deviennent illicites. Et dès que tu fais le taslim, assalamu alaikum wa rahmatullah, à la fin de la salade, ça te redevient illicite. Naam. Et c'est le hadith d'Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Celui qui n'a pas dit takbir n'est pas entré en salat. Celui qui, par exemple, a oublié le wudu ou takbiratul ihram et il s'en souvient, lui, il n'est pas en salat. Il sort directement. Sans takbiratul ihram, tu n'es pas entré en salat. La personne vient, se tient debout et récite Al-Fatiha, par exemple. Elle n'est pas en salat. Il n'y a qu'après Takbiratul Ihram que tu entres en salat. Il y a des sunan, des choses recommandées après Takbiratul Ihram, de Al-Istiftah. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam entrait en salat, il observait en silence aux oreilles des sahabes. Ils lui ont donc dit à Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu entres en salat, tu marques un silence. Que dis-tu? Et il leur a enseigné du Al-Istiftah. Et ici, les nobles fa'ida, c'est quoi? C'est que sahaba, radiallahu anhu, li hirsihim, ala taqarrub ila Allah, wa talib al-ilm, sa'alu al-Nabi alayhi salatu wa salam, an kulli ma yufiduhum, fi dinihim, wa dunyahum, wa ma'adihim. Ici, une fa'ida, subhanallah. Ça, c'est un silence. D'un silence, ils nous ont apporté une adoration. Les savants nous disent, ici, on voit la motivation des sahabas. Toutes ces questions-là, ça nous montre quoi? La motivation des sahabas dans toutes choses, pourtant qui peuvent être perçues par autrui comme des choses minimes. Un silence, subhanallah. Eux, non. Ils ont questionné Rasulullah sur ce silence. Sur ce silence, ils l'ont interrogé. Et il leur a enseigné une dua qui nous est parvenue. Et on adore Allah Azza wa Jalla avec jusqu'au jour d'aujourd'hui. Wallahalhamd. Donc ça montre leur motivation dans la recherche de la science. Et leur dévotion envers leur Seigneur. Ils cherchent tout afin de réformer leur bas monde et aussi leur au-delà. En réformant leurs adorations. L'auteur nous dit, wa huwa sunnah. Dua al-istiftah, c'est une sunnah, ce n'est pas une obligation. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ومعنى سبحانك اللهم أي ينزهك التنزيه اللائق بجلالك وبحمدك أي ثناء عليك وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك وتعالى جدك أي جلت عظمتك ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous cite du'a al-istiftah et nous l'explique. Donc, subhanakallahum, Allahumma, ça veut dire ya Allah, oh Allah. Subhan ou subhanak, c'est tanzih wa taqdis. C'est le fait de dire qu'Allah est exempté de tout défaut, de toute imperfection et de toute similitude avec ses créatures. Retenez cela. At-tasbih, c'est at-tanzih. C'est le fait de dire qu'Allah est exempt de tout défaut, premièrement, naqais wal uyub, de toute imperfection et de tout tamthil et de toute similitude avec ses créatures. Ça, c'est le sens de subhanallah. Quand tu dis subhanallah, ça veut dire ya Allah, tu es pur de toute imperfection, tu es innocent de tout défaut qu'on t'a attribué les injustes. Non. Et tu n'es pas semblable à tes créatures. Nul n'est égal à Allah, semblable à Allah. Ouais. Ça, c'est le sens de subhanallah. C'est le sens de subhanallah. Et tawhid repose sur deux piliers, la négation et l'affirmation. Ça, c'est la négation de tawhid al-asma al-sifat. Wa bihamdik al-hamd, c'est l'affirmation dans l'asma al-sifat. Dans le tawhid al-asma al-sifat. Alhamd, l'auteur nous dit thana'un alayk, fait de faire les éloges à Allah. Ibn Athim, rahimahullah ta'ala, nous dit que cette définition de l'hamd est discutable, et d'autres parmi les savants. Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans al-bada'i', bada'i' al-fawa'id, a développé cela. Donc, alhamd, en réalité, c'est quoi? C'est l'ikhbar al-mahasil al-mahmoud, hubban wa ta'ziman. C'est le fait d'informer celui duquel tu parles, ou d'informer au sujet de celui duquel tu parles, en mentionnant sa perfection. En mentionnant sa perfection. Ça, c'est ce qu'on appelle Alhamd. Wasful Mahmoud ibn Kamal. Hubban wa ta'zim. Donc, Al-Thana, ou plutôt donc Alhamd, on ne dira pas directement Al-Thana. Alhamd, c'est le simple fait de dire de la perfection d'Allah Azza wa Jalla. Quant au thana, les éloges d'Allah Azza wa Jal, c'est Alhamd idha takarrab. Al-thana, c'est quoi? c'est lorsque tu cites une deuxième fois la qualité d'Allah ou une qualité d'Allah. Quand tu le fais une seule fois avec amour et immensification d'Allah, comment est-ce qu'on appellera cela? Hamd. Si tu le refais une seconde fois, comment est-ce qu'on appellera cela? Thana. Est-ce que vous avez compris la différence entre le hamd et le thana? Quelle est la preuve de cela? Quelle est la preuve de cela? Hadith Abi Hurayra radiyallahu anhu. Le hadith d'Abi Hurayra. Le hadith Qudusi lorsqu'il nous dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le hadith Atam divin sur la traduction des sens de ce dernier, j'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux. C'est quoi la prière? C'est le Fatiha ici. Idha qala al-abd, idha qala abd, lorsque mon serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qala Allah Hamidani abdi. Lorsque mon serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah dit mon serviteur Hamidani a fait du hamd me concernant. Il a mentionné ma perfection. Wa idha qala Ar-Rahman Ar-Rahim, qala Allah athna alayya abdi. Mon serviteur fait mes éloges, a fait mes éloges. À quel moment les éloges ont eu lieu? À quel moment? Lorsque le hamd s'est répété, Allah Azza wa Jalla l'a caractérisé de quoi? L'a qualifié de, l'a appelé thana. Et même dans la langue arabe, comment est-ce qu'on dit deux, le deuxième par exemple? Athan. D'où vient ce terme dans la langue arabe? Min thani al-habl. Vous voyez, lorsqu'on prend un câble ou une corde, na'am, et qu'on prend l'extrémité et on joint les deux bouts, on a, yani ça vient de ce terme-là en arabe, parce qu'il y avait un, maintenant il y a deux, d'accord. Et comment est-ce qu'on dit deux en arabe? Ithnan. Athana, il y a cette étymologie, il y a ce sens-là, cette notion, c'est la répétition du hamd. La suite du hadith, idha qala malik yawmiddin qala Allah majjadani abdi, et elle met ce concrétise lorsqu'il y a la troisième mada, mention de perfection. Walhamdulillah. As-sunnah an ta'tiya biha sirran. La sunnah, c'est de prononcer du'a al-istiftah à voix basse. À voix basse. Quant à takbiratul ihram, est-ce qu'on dit cela à voix haute ou à voix basse? Quand on entre en salat, Allahu Akbar, à voix haute ou à voix basse? À voix haute. At-takbir, ça c'est à voix haute. Sauf si tu pries derrière l'imam. L'imam, lui, le dit à voix haute et le ma'moumoun, eux, le prononcent, mais sans élever leur voix. Naam. Ça c'est valable pour tous les takbirat de la salat. Taïb. Une particularité pour Takbiratul Ihram, c'est que le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il a dit Takbiratul Ihram, il a levé les mains. Donc on ne délaisse pas cette sunnah. Quand tu dis Allahu Akbar, tu lèves les mains. Naam, ça on le citera dans les sunan. Soit tu lèves en même temps que tu prononces, soit avant, soit après tout cela, et warid. Il y a plusieurs du'a al-istiftah. Naam, tu ne joins pas entre elles, mais tu en choisis une, puis une autre, wa hakada. Pour l'essence, en détail, vous revenez au cours sur l'explication des bonnes paroles. Ceux qui sont arabophones, Charles Drazak, Al-Badr dans son site, Charles Kalemit Tayyib, et ceux qui sont francophones, sur le site de la Voix Droite, Allah Azza wa Jal nous a facilité cette assise entièrement, walhamdulillahi rabbil alamin. Et parmi les paroles les plus bas, t'es là, les plus fausses, mensongères et injustes qu'on ait pu entendre lors de ces nobles cours qu'Allah Azza wa Jalla nous ait facilités, c'est qu'une poignée d'ignorants, ont accusé ces assises d'être des assises dans lesquelles on n'appelle pas au tawhid. Li umqi jahlihim wa bu'dihim an julusi wa silati bi ahli al-'ilm wa ta'assi bihim, de par leur éloignement des savants et des liens avec les savants, et de savoir ce qu'ils enseignent et étudient, ils ont pensé qu'étudier l'adhkar propager les adhkar, appeler à mémoriser, à prononcer les adhkar et à comprendre leur sens, ils ont cru que ça c'était être distrait de l'appel au tawhid et de l'étude du tawhid. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cette dua par exemple, cette dua, la première dua dans le cours là de fiqh, c'est quoi? Subhanakallahumma bihamdik. Ça c'est du tawhid ou pas? Tawhid alala. Ça c'est du tawhid. Ça c'est la base du tawhid. Masma sifat. Ensuite, wa bihamdik. Tawhid ou pas? C'est du tawhid, c'est l'ithbat dans asma sifat. Wa tabarak asmuk. Wa ta'ala jadduk. Wa la ilaha ghayruk. Ici il y a tawhid. Al-rububiyya. Al-uluhiyya. Al-asma sifat. Mais de par l'ignorance de cette personne et ses suiveurs, bien qu'ils soient ignorants, ils ont pensé que ça c'était le fait de ne pas appeler au tawhid. فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Quand tu arrives au niveau d'ignorance où tu penses que l'adhkar c'est pas du tawhid, l'adhkar ça entre dans du'a. Ad-du'a huwa al-ibada. Subhanallah. Ad-du'a huwa al-ibada. Le prophète alayhi wa sallam nous dit ad-du'a c'est la base de l'ibada. C'est l'essence de l'adoration. Naam. Et lorsqu'ils se sont éloignés des adhkar nabawiyya, ils se sont mis à dhikr al-nas wal-ghiba wal-buhtan. Lorsque leur langue a été préoccupée ou distraite de l'évocation d'Allah à travers l'étude des adhkar, elle fut occupée par quoi? Par la mention des gens bi-ghayri-haq, en mangeant leur chair. Naam. Et ils ont dépassé le niveau de la riba. La riba c'est dhikr ka'akhat bima-ikra. C'est de citer sur ton frère ce qu'il, s'il avait entendu, il aurait détesté. Mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est vrai. Non? Tu dis par exemple, lui il est gourmand. Hein? Lui il est gourmand. Il est gourmand pour de vrai, mais s'il t'entend dire ça, ça va lui déplaire. Ça va lui déplaire. Là c'est de la médisance. Non? Que dire alors de plus que ça? J'ai choisi un exemple. Non? Pour montrer que c'est grave, elle arrive. El Bouhtan, c'est pire. C'est que tu fais cela, tu t'adonnes à cela, en plus de ça, c'est faux. Naam, c'est faux. Et dit par exemple, j'ai vu un tel dans un bar. J'ai vu un tel dans un bar. S'il veut embellir l'histoire fausse, il va dire, en plus c'était salat, c'était l'heure de la salat. Personne dans l'assise va dire, mais toi t'étais où à l'heure de salat? Personne ne va penser à ça. Naam, comment tu l'as vu dans un bar? Qu'est-ce que tu faisais toi dans le bar? Personne ne va penser à ça. Mais subhanallah, a'udhu billah. Hein? Pas vérifié, c'est vrai, c'est pas vrai. Un tel il était même pas né, un tel il était même pas là, un tel il était en train de faire salat. Un tel il sait même pas ce que c'est un bar, il est jamais rentré dans un bar. Là qu'il manque kadhib. Mais quand t'es éprouvé par le mensonge, plus c'est super, plus c'est insensé, plus ça vaut des points dans le monde des pervers. Non, plus ça vaut des points dans le monde des pervers. Fana'oudhu billah min al-khuzlan. Qu'Allah nous préserve de cette non-assistance. Qu'Allah nous préserve de cette non-assistance. Étudiez l'adhkar al-nabawiyya. Comprenez-les, mémorisez-les, appliquez-les. Non, c'est une des meilleures adorations par laquelle Allah élève son serviteur. Et lui donne plus que celui qui, yani c'est meilleur que de dépenser de l'or et de l'argent, de jeûner le jour et prier la nuit, comme c'est venu dans les hadiths. Donc il y a plusieurs adhkar, tu en cites une dans telle salat, une autre dans telle autre salat, wa hakada. Ensuite l'auteur nous dit a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ma'na a'udhu aludhu wa altaji wa a'tasimu bika ya Allah minash shaytanir rajim al-matrud al-mub'ad 'an rahmatillah la yadurruni fi dini wa la fi dunyayi. Ensuite l'auteur nous dit de dire a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Quelle est la preuve de cela dans le Coran, dans sourate An-Nahl, verset 98, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Lorsque tu lis le Coran, cherche protection près d'Allah contre le shaytan, le lapidé. À quel moment est-ce qu'on dit أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ? Là, dans ce verset, إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ. Lorsque tu lis le Coran. Est-ce que tu lis le Coran et après avoir lu, tu dis أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ? C'est ça qu'il faut comprendre? Avant de lire, n'est-ce pas? Donc là, c'est avant de lire Al-Fatiha. Là, c'est avant de lire Al-Fatiha. Comment est-ce qu'on peut affirmer ça alors que ce qui est apparent dans le verset pourrait être, ce qu'on aurait pu comprendre du verset pourrait être, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ lorsque tu lis le Coran, fasta'id billah min ash-shaytan ar-rajim. Donc tu lis le Coran, après tu dis a'oudhu billah min ash-shaytan ar-rajim. Ça, on le tire de quoi? De la sirah du prophète alayhi salatu wassalam, des actions du prophète alayhi salatu wassalam, et de la transmission du Coran des lecteurs les uns aux autres. Tous ils commençaient par a'oudhu billah min ash-shaytan ar-rajim avant la lecture et non pas après la lecture. Voilà. Tayyib. Ibn Kathir rahmahullah ta'ala dans le tafsir dit ay idha aradta qira'ata, lorsque tu souhaites lire le Coran. La volonté, elle vient avant l'action ou après? Avant. Avant. Tayyib. Certains savants disent que c'est mustahab, l'isti'adha. D'autres disent c'est wajib. D'autres disent c'est wajib. Quoi qu'il en soit, le musulman, il ne délaisse pas ce qui le rapproche d'Allah Azza wa Jalla. Ensuite, l'auteur nous dit wa qira'atul fatiha ruknun fi kulli rak'a. On revient au pilier. La lecture del fatiha. Pour l'instant, on a cité quoi? Al-qiyam al-qudra. N'est-ce pas? Ensuite, takbiratul ihram. Et ici, troisièmement, qira'atul fatiha. Dua al-istiftah, c'est un pilier ou pas? Dua al-istiftah. Non, c'est sunnah. D'accord? Et l'isti'adha, soit c'est une sunnah, soit c'est obligatoire, que l'en soit, c'est pas un pilier. Donc, la lecture del fatiha dans chaque unité de prière. Wa fil hadith, ou comme dans le hadith, la salat liman lam yaqra bi fatihati al-kitab wa ya umm al-quran. Il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas l'ouverture du livre. Ou plutôt qui ne lit pas l'ouverture du livre, c'est-à-dire al-Fatiha, c'est la mère du Coran. C'est la base du Coran. Voyez, quelle que soit la salat, quelle que soit ta position, c'est-à-dire que tu sois l'imam ou celui qui est guidé dans la salat, tu dois rester al-Fatiha. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, comme ça rapporté par le Bukhari et Muslim, la salata, nulle prière, liman lam yaqra bi fatihati al-kitab. Nulle prière, il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas al-Fatiha. Donc, l'imam lit à voix haute les deux premières raka'a, que ce soit al-Fajr ou al-Maghrib ou al-Isha. Et le reste à voix basse. Quant au ma'moum, celui qui est derrière l'imam, il récite à voix basse. Il récite à voix basse. La'allakum taqra'una khalfa l'imam. Il se peut que vous lisiez derrière l'imam. Na'am. Ils ont répondu oui. Ou l'imam yaqra, alors que l'imam lit, ils ont répondu oui, les compagnons. Le prophète sallam leur a dit, ils ont répondu, inna la naf'alu dhalik. Oui, certes, nous faisons certes cela. Qal, fala taf'alu. Ne le faites plus. Ne le faites pas. Illa, sauf, un yaqra ahadukum. Si l'un d'entre vous lit, bi ummil kitab. C'est-à-dire al-Fatiha. Donc tu ne récites pas derrière l'imam si ce n'est al-Fatiha. Si ce n'est al-Fatiha. Tayyib. C'est apporté par l'imam Ahmed rahimahullahu ta'ala. Ensuite, l'auteur rahimahullahu ta'ala a expliqué le sens de al-Fatiha. Il a expliqué le sens de al-Fatiha. Vous reviendrez à cela, inshallahu ta'ala. Puis il a cité le pilier suivant. La suite des piliers, ça va être les différentes parties de la salat, les différentes grandes actions de la salat. Après la lecture de l'Fatiha, quelle est la grande action de la salat? Ar-ruku', l'inclinaison. War-ruku' war-raf'u min was-sujud 'ala al-a'dha'i as-sab'a al-i'tidal min wal-jalsatu bayna as-sajdatayn. L'auteur ici a cité le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième et le huitième, ou bien jusqu'au septième, pilier de la salat. L'inclinaison, c'est un pilier. Se relever de l'inclinaison, c'est un pilier. Se prosterner sur les sept membres, c'est un pilier. S'en relever, ou bien être droit dans cela, vous regarderez la traduction pour les Tidalmin. Ensuite, s'asseoir entre les deux prosternations, c'est un pilier. La preuve, dans Suratul Hajj, Ya ayyuha alladhina amanu irka'u wasjudu. Ô vous qui avez cru, inclinez-vous et prosternez-vous. L'inclinaison est connue auprès de tous. Naam. Quant à la description de la salat, cela fera l'objet dans notre cours, Inch'Allah Ta'ala. Et dans les cours d'été, bi'idhnillah Azza wa Jal, on lira le résumé de Sifat Salat al-Nabi de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. وفي الحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. Il m'a été commandé de me prosterner sur sept membres. C'est quoi les sept membres? Premier, c'est les deux paumes de main. Et la main à plat. Ça fait un. Ensuite, le front et le nez. Ça fait deux. Ensuite, les pieds. L'extrémité, les doigts de pied. Ensuite, les genoux. Ensuite, les genoux. Les deux mains, ça fait deux. Les deux genoux, quatre. Les pieds, la pointe des pieds, les doigts de pied, ça fait six. Le front et le nez, ça fait un. Donc, ça fait sept. Ça fait sept. Parmi les fautes commises, le fait de poser le front et de ne pas poser le nez. Faut faire attention. Il en va de la validité de la prosternation. Donc, d'un pilier, donc, de la salat. Subhanallah. Et à Mecca, il y a quelques semaines, durant la Umra, un frère a observé un homme se prosterner. Il priait, il se prosternait, et il posait que son front dans chaque prosternation. Et le frère a voulu aller le conseiller, mais il avait une certaine gêne du fait d'aller conseiller un homme qui prie peut-être avant sa naissance. Naam. Et est parti le voir, l'a salué. S'est enquéri de ses nouvelles. Puis il lui a dit, Yanni, j'avais une remarque relative à la prière, si tu me permets. Il lui a dit oui. Il lui a dit, lorsque je te prosterne, j'ai remarqué que tu ne posais pas ton nez sur le sol. Peut-être qu'il y a un texte que j'ignore, mais lorsque nous avions étudié, nous avions vu comme ceci, comme cela, il y a le hadith comme ceci, comme cela. Il lui a dit, subhanallah, donc il faut poser le nez avec le front. Il a dit oui. Il lui a dit Jazakallahu khayran et il lui a fait des du'as tout au long d'eux et a mis leur avancée. Naam. Donc ça c'est muhim jiddan, yani al-amr bil ma'ruf wa at-tanasukh wa an-nahy 'an al-munkar. Mais avec la manière la plus adéquate si cela est possible. Quoi qu'il en soit, il faut apprendre et transmettre. N'écoute pas celui qui, lorsque tu as appris à lire, à écrire, le tome 1 de Médine, le tome 2 de Médine, l'Ajuromiyya, tu vas apprendre, par exemple, à écrire les lettres au début, au milieu, à la fin, il te dit, t'as une teskiya, t'es connu des savants, kada ou kada, kalam fada. On t'a pas dit qu'il va faire une fatwa, qu'il va enseigner Kitab et Tawahid, car il va lui apprendre que, le roi, il s'attache que par la droite. N'est-ce pas? Le waou, le del, le dhal, le alif. Naam. Et il manque quoi? Le zay. Ça fait six lettres. Ces six lettres-là sont les lettres qui s'attachent que par la droite. Cette parole pour la dire, après l'avoir étudiée, appliquée, yani c'est un mal d'aller enseigner ça? Qui dit ça parmi les ulama? Certains frères ont compris comme ça. Là. Si ce n'est qu'on ne prend pas la science de n'importe qui. Oh, regarde si la personne est droite dans sa religiosité. Regarde si la personne est à la sunna, n'est pas dans l'innovation pour ne pas égarer la personne ou autre. Naam. Si Allah Azzawajal t'a facilité, toi tu as étudié dans les cours le sens de la ilaha illallah. Ensuite il est assis dans sa famille et il entend que la ilaha illallah c'est le fait de dire il n'y a de Seigneur que Allah, il n'y a de Dieu que Dieu. Et lui il a étudié. Il a étudié l'usul thalatha par exemple. Thalatha al-usul. Naam. Et il dit, ah non, moi je suis pas un savant, je peux pas le corriger, je peux pas expliquer la ilaha illallah. Alors je me tais, je laisse le faux se propager dans la science. Ala haq hada, c'est ça le haq, c'est ça le sunnah, c'est ça le da'wah. C'est ça que les savants nous ont appris. Abadan, hada kalam batil. Il a péché celui qui se tait. Alors qu'on manque de respect au droit d'Allah Azza wa Jalla et lui est dans la science et il a l'ilm. Non? Non! Il explique, il intervient, il conseille, il transmet. Il mémorise quelques versets dans le Fatiha, dans le Baqara, dans l'Anbiya, dans le Nahl, dans le Bayyina, dans le Juz Amma. Et il transmet. Et il transmet. Non. Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, ses grands imams. Son shir avant lui, Cheikh Mohammed ben Ibrahim, rahimahullahu ta'ala, est des grands imams de l'islam. Lorsque l'étudiant, il atteignait 16 ans, 17 ans, et qu'il avait étudié un peu, il envoyait dans les villages pour enseigner le tawhid, pour apprendre à corriger le fatiha. Vous imaginez? Imaginez que dans chaque masjid, tous ceux qui récitent correctement le fatiha, on les envoie dans les villages. Et ils vont réunir les enfants et les personnes âgées et ils leur font rester le fatiha et ils les corrigent. Ça, c'est un khair qui se propagerait ou pas? Ensuite, tous ceux qui connaissent le qul huwallahu ahad, el falaq, el nas, ils vont enseigner ça dans les messagers. Combien dans la mosquée ils se trompent dans le fatiha, dans le falaq, dans le nas? Ensuite, ceux qui ont étudié le usul falaka, ils ont compris ma'ana la ilaha illallah, ils vont propager ça. L'autre, il a compris tahara, il va propager ça. L'autre, el wudu, l'autre, el salah, l'autre. C'est comme ça que le bien se propage. Mais on dirait, wal'iyadu billah, que certaines personnes ne veulent que la vérité soit prononcée que sur leur langue. Et que les projecteurs ne soient que sur eux. Et ça le dérange que la personne soit guidée vers Allah et vers son paradis si c'est pas sur sa langue à lui. Ça, c'est une des pires maladies du cœur. Tu dois, toi, vouloir la guider des gens vers Allah, la soumission des gens à Allah, pas à toi. Pas que ton nom soit mentionné. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, disait, j'aurais tant aimé que la science soit prise sans qu'on dise ça à la Shafi'i. Naam, j'aurais aimé ne jamais être connu. Mais j'ai été éprouvé par cela. Naam, akata. La personne doit, elle ne doit pas vouloir que les gens se tournent vers elle. Mais elle doit aimer qu'on accepte la vérité qu'elle porte avec ilm, avec dalil, avec hujja. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu disait au tabi'i, si j'avais connaissance d'une personne sur terre que je puisse atteindre à dos de monture, qui connaît une science du Coran que j'ignore moi, j'aurais voyagé vers elle. Il vante sa science là ou pas? Il vante ses connaissances. Pourquoi? Est-ce que c'est blâmable ce qu'il fait là? Lorsque Youssouf a dit, comme c'est dans Sourate Youssouf, « Inni hafidun alim », je suis quelqu'un de confiance, je suis quelqu'un de savant, et dans l'agriculture et dans la science, ainsi de suite. Est-ce qu'il a vanté de ses mérites ou pas? Oui. Lorsque Othman radiallahu anhu a cité ses mérites à ceux qui sont sortis contre lui, tout ça c'est louable. Lorsqu'Ibn Taymiyyah a dit dans l'Amiyya, écoute la parole d'un véridique, elle est dans son chemin, tout cela les savants ont dit que c'est louable. Et c'est une bonne chose. Tu dis à la personne que tu as un khayr pour qu'elle vienne prendre ce khayr. Tu l'encourages à prendre ce bien-là. Pas pour te vanter et t'élever. Non. Mais pour l'informer que tu as une science qui lui est profitable dans son din. Naam haka. Celui qui apprend ses bases du din, il les applique, il les transmet. Mais avec science, avec connaissance, il ne parle que de ce qu'il connaît avec science. Naam. Et il attend d'avoir atteint le niveau qui lui permet de transmettre. Il ne se presse pas dans cela. Et si on le suffit, lui, il se réjouit de ne pas avoir été prouvé par cela. Et il ne répond pas. Par contre, il ne répond pas. Si on l'interroge, il le renvoie à son enseignant. Et s'il a la capacité au savoir, il ne répond pas. Même s'il sait, il est bon qu'il renvoie les gens vers les ulama. Par moments, on nous questionne sur des choses qu'on a entendues de la bouche des savants. Mais pour faire connaître les savants aux gens, pour éduquer les gens à la bonne base, la base, c'est pas de demander à l'élève, à l'étudiant, à l'imam. La base, c'est de demander aux ulama. Mais lors de leur absence, les savants, eux, disent de demander à l'imam, eux disent de demander à l'étudiant. Ou avec, ça c'est important de le comprendre. Mais pour qu'il ait l'union des rangs, une bonne chose à propager, c'est faire connaître les savants, faire aimer les savants, vanter le mérite des savants, les mentionner et faire revenir la masse aux savants. Quant à l'imam, quant au talib ilm, son rôle c'est de faire le lien entre les ulama et les gens. Quant à ceux qui disent, mais c'est qui lui, c'est un imam, c'est qui lui, c'est qu'un talib ilm, c'est qui lui, kana, subhanallah. C'est qu'un talib ilm, c'est que Allah Azzawajal a élevé le rang de l'imam, élevé le rang du talib ilm, et toi tu dis, c'est toi tu le méprises. Ça c'est une erreur. Naam. Barakallahu fikum. Mais chacun a son niveau. Chacun a son niveau. Se relever du recours, c'est le moment lorsque tu dis Sami'allahu liman hamida. As-sujud al-a'la et sab'a, lorsque tu dis Subhan Rabbi al-a'la. Quand tu te mets en sujud, tu ne fais pas comme le coq, juste tu poses ton front et tu te relèves. Non, tu te mets et tu te tranquillises dans cette station, au moins le temps minimum qu'il te faut pour dire une fois le dhikr à dire dans ce moment-là. Puis tu te remets en position assise, entre les deux prosternations. Ça, ce sont ماذا, les piliers. وطمأنينة في جميع الأفعال. Il te faut atteindre la tranquillité dans chacune de ces actions. Tu ne te précipites pas de sorte à ne pas être capable de dire ne serait-ce qu'une fois l'invocation à dire dans cette station de la prière. وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ الْأَرْكَانِ. La succession et l'ordre, on va dire l'ordre, dans ces différentes actions. Tu ne commences pas par le sujoud, après tu fais le recours, après tu fais ça. Non, tu fais cet ordre-là. D'abord tu dis Allahu Akbar, ensuite tu récites Al-Fatiha, ensuite tu fais le recours, ensuite tu t'en relèves, ensuite tu descends en sujoud, ensuite, vous avez compris, il faut respecter cet ordre. Il faut respecter cet ordre. C'est un pilier de la prière. Quelle est la preuve de tout cela? C'est le hadith qu'on appelle hadith ou ماذا المسي صلاته. Le hadith de celui qui a fait des fautes dans sa prière. Naam, ils avaient tellement de connaissances que celui qui s'est trompé, que le prophète a corrigé, son hadith est devenu célèbre sous cette appellation. Naam, hadith musi salata. Dans le hadith, بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم, alors que nous étions assis auprès du messager ou du prophète صلى الله عليه وسلم. Ça c'est le hadith d'Abi radiallahu anhu. Ici on voit encore la motivation des sahaba à toujours être en compagnie des gens pieux, des gens vertueux, des savants, pour tirer profit de leur science, de leur connaissance et prendre de leurs fruits comme l'on cueille les meilleurs des fruits d'un arbre. Et l'un des anciens disait, lorsque tu es dans une de ces assises là avec des personnes vertueuses, des personnes de science, ainsi de suite, observe le silence, sauf dans le cas où de parler c'est meilleur que de te taire. Et prends de leurs fruits comme tu irais à la cueillette et tu choisis les meilleurs de leurs fruits. Et tu parles pas. Sauf à un moment où de parler est meilleur que de se taire. Et meilleur que de se taire. إذ دخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل. C'est alors qu'un homme est entré auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'a salué. Il lui a dit assalamu alaykum. Il lui a dit retourne, prie, car certes tu n'as pas prié. L'homme a prié ou pas? Cet homme-là, il était en train de faire salat, puis il est entré, il a passé le salam au prophète alayhi wa sallam, le prophète alayhi wa sallam lui a dit retourne, prie, car tu n'as pas prié. Je vous demande, cet homme-là, est-ce qu'il a prié ou il n'a pas prié? Il n'a pas prié? Là, on comprend qu'il était en train de prier. Pourtant, le prophète sallam lui dit, retourne, prie parce que tu n'as pas prié. Est-ce qu'il a prié ou il n'a pas prié? Il n'a pas prié. D'accord. T'es d'accord, il n'a pas prié? Non, il n'a pas prié. Il a prié ou il n'a pas prié? Il a prié? Comme le Havid. Il a prié comme il savait prier. Oui. On continue le hadith. فَفَعَلَهَا ثَلَاثًا. À trois reprises, il a prié, il est revenu voir le prophète sallam, il lui a passé le salam. Donc lorsque tu te sépares d'une personne, même un court instant, quand tu la revois, tu lui passes le salam. Non, tu lui passes le salam. Le prophète sallam lui a dit, retourne, prie, tu n'as pas prié. Une troisième fois, il a prié, il est revenu, il a passé le salam au prophète sallam, puis le prophète sallam lui a dit retourne, prie, tu n'as pas prié. Ensuite l'homme lui a dit Walladhi ba'athaka bil haqqi nabiyya. Je jure ou par celui qui t'a envoyé avec la vérité en tant que prophète, la uhsinu ghayra. Je ne sais faire meilleur que cela. Fa'allimni. Enseigne-moi donc. Regardez la da'wa et le comportement du prophète alayhi wa sallam envers lui. et regardez les fruits sur cette personne. Il s'est transformé en tant qu'adorateur. Et une personne venant saluer le prophète alayhi salatu wasalam, il s'est transformé en talib ilm. C'est devenu un rechercheur de science, un étudiant, de par le comportement du prophète alayhi salatu wasalam. Parfois l'enseignant est sage en faisant preuve de sévérité. Mais l'ignorant qui n'a pas eu l'habitude d'être dans les assises de science ou qui n'a pas connu l'éducation des savants, se dit pourquoi il me dit ça en public? Pourquoi il fait ça? Pourquoi Kada? Non, c'est pas comme ça. On aurait dû faire ça. On aurait dû étudier ça. Et ainsi de suite. Lui, il est ignorant. Mais il veut contrôler l'enseignement et la façon d'enseigner de l'enseignant. Est-ce que ça, c'est logique et normal? Lorsque toi, tu viens étudier, est-ce que tu dis à l'enseignant? Non. Le « i », tu ne le mets pas là. Tu le mets là. Tu dis ça? Tu dis au... Comment on dit ça? Le... Quand tu vas à la boucherie, Jazza, tu lui dis non, tu n'utilises pas telle machine. Prends ce petit couteau. Ou tiens une. Tu ne tiens pas avec ça, tiens la fourchette. Tu peux dire ça? Ou bien il y a l'opération, tu lui dis non, mais pas. Yani, ouvre pas le cœur par ici, ouvre le cœur par ici. On ne te laisse même pas rentrer, toi, dans l'hôpital, Aslan. Tu ne rentres même pas dans l'hôpital. Tu n'es pas invité, il y a accepté. Mais dans le ilm al-shar'i, la parole lourde, le Qur'an, la sunnah. Là, tout le monde parle. Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. D'accord. Ou est-ce que... Non, j'ai entendu une fois. Je crois, j'ai un vague souvenir de... Ça, subhanallah, la dinullah. Ça, c'est la religion d'Allah. Ça, c'est Jannah, c'est Nar. Ça, c'est le mas'ouliyah. Ça, c'est la responsabilité. Certains savants, lorsqu'on les questionnait, disaient, Alhamdulillah, Allah ne m'a pas éprouvé par cela. Le mufti est vivant, demande-lui. Naam. Un couple a été éprouvé par une affaire. On a questionné un grand savant. Le grand savant a dit... Demande au mufti. Un grand savant a dit demande au mufti. Ça, c'était il y a 3 semaines. Regardez l'éducation, la tarbiya que les savants donnent aux petits, comme nous. Non? Et tu vois l'un d'entre eux, il fait des fatawas dans toutes les massacres. Un émir est venu voir Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Un savant raconte. Il dit un émir est venu voir Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Et il lui a dit, tel émir te demande dans telle mas'ala, dans telle question, c'est quoi le hukm shara'i? Il a dit, je ne vois rien dans cela. Je ne trouve pas à travers les textes et ma science une réponse à cela. Il a demandé à Shah Abdallah Rodayan, rahimahullah ta'ala, Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, l'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il a demandé à ce grand savant, Abdallah Ibn Rodayan. Il a dit, je ne vois rien dans cela. Ils ont demandé à Shah Salah Fouza, il a dit, je ne vois rien dans cela. Ibn Baz a dit, reviens me voir dans un mois, on va étudier la mas'ala. Dans un mois. Et toi, le petit étudiant, lorsque la personne te questionne, tu lui dis, reviens dans une semaine, je vais essayer de questionner un savant. Il s'énerve. Et il rajoute des détails pour que tu lui répondes. Akhi, Allahu alam, je ne sais pas. Tu veux que je rentre en enfer pour te répondre? Allahu alam, ma'adil. Combien? Ils se sont énervés parce qu'on ne leur répond pas. Il dit, alors je vais aller voir. Akhi, va voir où tu veux. Tu vas où tu veux, mais je ne rentre pas en enfer pour toi. On a assez de péchés, subhanallah. Il te force à répondre, il te force à dire ce que tu ne sais pas dans l'islam. C'est très très grave. Ne réponds pas. Tu ne réponds pas, tu ne sais pas, tu ne réponds pas. Tu as entendu la fatwa, tu la transmets. Non. Le émir lui a dit, c'est pressé. C'est pressé, il y a un mois, c'est trop long. Ou l'émissaire entre Ibn Baz et l'émir, il lui a dit, c'est trop long. Et il lui a dit, reviens dans un mois, on va l'étudier. Même si c'est un émir ou autre, on ne peut pas parler sans ça. Ça c'est une tarbiya, ça c'est une éducation. Ça c'est une éducation. Et même le savant lui-même, il a l'obligation d'être humble avec l'ilm. Le savant raconte une histoire d'un grand savant, c'est un des plus grands savants du madhhab, l'imam Shafi'i. J'ai oublié le nom. Il était assis sur le kursi et il faisait cours. Et il dit de lui-même, c'est comme si Shaitan lui a embelli ses connaissances et il s'est dit, il n'y a pas plus savant du madhhab Shafi'i que moi. Mafhoum? Il se peut que toi tu ailles étudier et que tu te vois meilleur que tous tes akran, les gens de ta génération et tes camarades de classe. C'est possible que tu sois plus fort que tout le monde dans ta classe, n'est-ce pas? Mais cela t'apparaît. Quand tu es savant, c'est mieux que t'apparaisse ton ignorance plutôt que ta science. Donc ça a traversé son cœur, ça a traversé son esprit. Puis une femme âgée, Allah Azza wa Jalla l'a éprouvé des suites de cela. Une dame âgée est venue et elle lui a posé une question. Non. elle lui a posé une question sur les cycles menstruels de la femme et kada wa kada wa kada. Et il dit, c'est comme si je n'avais jamais étudié cette science-là. Et il n'y a plus rien qui me paraisse. Après avoir marqué un certain silence, un des élèves a dit, ya Cheikh, mais tu avais répondu à cette question-là, tu avais dit ça. Il lui a dit, ah oui. Après, il a répondu. La dame âgée a dit, hada ahaqqu bil kursi mink. Hein? Ça, c'est la parole des ignorants. Ils connaissent pas forcément le droit des savants et comment parler aux savants et aux gens qui ont de la science. Elle lui a dit, qu'est-ce que tu fais sur le kursi? Qu'est-ce que tu fais sur la chaise? Lui est plus à même d'être sur la chaise que toi. Parce que l'ignorant peut penser que le savant qui dit je ne sais pas une chose, il est ignorant. Alors que celui qui dit Allahu Alam, il a de la science en vrai. Il a parlé de ce qu'il savait, il sait tout sur ce qu'il ne savait pas. Ça c'est du ilm. Elle lui a dit, qu'est-ce que tu fais sur le kursi? Elle a dit, lui, il est plus en droit d'être sur le kursi que toi. Allah Azza wa Jalla l'a éprouvé par cela. Allah Azza wa Jalla l'a éprouvé par cela. Donc même avec ce que tu connais, tu dois être humble. Tu dois faire attention. Naam, tu dois faire attention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donc appris. Et il lui a dit, إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ. Lorsque tu te lèves pour la salat, dis Allahu Akbar. Quel pilier on tire de ce passage? Hein? Les deux premiers. إِذَا قُمْتَ, lorsque tu te lèves pour la prière. Donc, il faut être debout. فَكَبِّرْ التَّكْبِرْ تَكْبِرَةُ الْإِحْرَابِ. Et on tire aussi que Takbiratul Ihram doit être prononcé alors que l'homme est en position debout. Il peut pas dire Allahu Akbar puis il se lève, c'est pas valable. Voilà. Donc on tire ça dans la parole. D'une seule lettre, le fa. Idha qumta ila salati fakabbir. Le fait qu'il y ait le fa, ça nous montre qu'il y a un ordre. D'abord el qiyam, ensuite takbir. Et ça nous montre aussi que c'est tout de suite après. Ça montre être tartib et ta'qib. Ça, c'est de par l'éloquence de la langue arabe, subhanallah. Une lettre, on a tiré tout ça. Une seule lettre. ثُمَّ قَرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. Puis lis ce qui t'est facile du Qur'an. Donc, al-Fatiha. Ensuite, tu as le droit de rajouter ce que tu veux, c'est sunnah. ثُمَّ رَكِعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَكِعًا. Puis incline-toi jusqu'à avoir trouvé la tranquillité en position inclinée. Ici, on tire quoi? On tire la lecture de l'Fatiha. On tire l'inclinaison et toma'nina pour l'inclinaison. Fayyib. Thumma rfa' hatta ta'tadila qa'ima. Puis relève-toi jusqu'à ce que tu sois tranquillisé en position debout. Là, on tire quoi? Al-raf'u min. Le fait de se relever du recours. ثم اسجد. On tire de là la prosternation. حتى تطمئن ساجدا. Jusqu'à ce que tu atteignes la tranquillité en position inclinée. On tire de cela la tranquillité en طمأنينة, en prosternation. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. On tire l'assise entre les deux prosternations. ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. Puis fais cela dans toutes tes prières. Puis fais cela dans toutes tes prières. Est-ce que il y a le responsable de la petite fille qui est là-bas? Est-ce que son père ou son frère ou autre est là? Non? Il lui a dit, fais cela dans toutes tes prières. Et cela dans toutes tes prières. Donc voici ici sept piliers qui sont toutes des actions. Sept piliers qui sont toutes des actions, sauf ma'adha, la lecture d'Al-Fatiha. La lecture d'Al-Fatiha, c'est une parole en opposition à, yani en face de Al-Fi'l. Sinon, une parole, communément parlant, c'est une action également. Donc, dans tout cela est tiré du hadith Moussi Salata. Et ce hadith, c'est le hadith d'Abu Hurayra, on a dit, c'est dans le Bukhari Muslim. La prosternation sur les sept membres, c'est le hadith d'Abdullah ibn Abbas. Il m'a été commandé de me prosterner sur sept membres. Il est rapporté par le même Muslim. La Tuma'nina dans l'ensemble des piliers, Cheikh Abdel Mohsin Abbad, Hafidhahullah Ta'ala, dit Al-Hudu wa Adam al-Ajal. Cheikh Abdel Mohsin Abbad, c'est le plus grand savant de Médina. C'est le plus grand savant de Médina, comme le disent les savants. Et Mahada, il a longuement enseigné dans la mosquée du Prophète Sallam. Et c'est un des rares à avoir enseigné Kutub al-Sitta, les six livres mères, Bukhari, Muslim, Boudaoud, Al-Tirmidhi et autres, Ibn Majah, Nasa'i. C'est un des rares à avoir enseigné Kutub al-Sitta. Puis il a recommencé Bukhari, Muslim. Hafidhahullah Ta'ala, wa hafidhallah ulama'ana. Al-Madina, c'est une ville mubaraka, il y a beaucoup de savants dans cette ville. Naam. Parmi eux, Mahada, Cheikh Ibn Muhsin et son fils, Cheikh Abdel Razak, Al-Badr, Hafidhahullah Ta'ala. Parmi eux, Cheikh Rabi' ibn Hadi, Al-Madkhali, parmi eux, Cheikh Ubay, Cheikh Ali Nasr al-Faqih. Naam. Mahada, et d'autres parmi les ulama, la liste n'est pas exhaustive. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وسلم قال المدينة سمير بروسي سلمان الصاد. il a encouragé à finir ses jours à المدينة et à rechercher la science à المدينة. نعم. إن شاء الله سلام فصليتم. نتشجّر على لميريد المدينة. الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله تعالى grand savant de Médine a un livre sur cela. نعم. Donc, Al-Hudu, c'est quoi? C'est le fait d'être tranquillisé dans l'ensemble de ces stations de la prière et ne pas se précipiter au point de faire comme le coq dans la salle, lorsqu'il baisse sa tête au sol, son bec au sol et relève sa tête aussi rapidement que cela. Mais il fait ça tranquillement. Qu'il fasse longuement les actions ou pas. C'est pas en rapport qu'avec le temps de l'action. Il peut dire juste une fois, Subhana Rabbi al-Azim, ou bien l'A'la, il a eu Tama'nina. Naam, il a eu Tama'nina. Quant au tartib, c'est le fait de faire cette salat dans cet ordre cité dans ce hadith. Donc d'abord être debout, ensuite Takbiratul Ihram, ensuite la lecture de l'Fatiha, ensuite le ruku' et ainsi de suite. Si la personne, par inadvertance, après avoir lu le Fatiha, au lieu de descendre en ruku', il descend en sujoud, en prosternation, il lui manque certes de piliers, n'est-ce pas? Il n'a pas fait l'inclinaison, il ne s'est pas relevé de l'inclinaison, il n'a pas eu donc à tomber dans tout cela. Ça fait trois. Cette personne-là aura manqué des piliers de la salat. Cette raka'a-là ne sera pas bonne. Il va poursuivre sa salat et cette raka'a, il ne va pas la comptabiliser. La deuxième prendra la place de la première. Parce que si on délaisse un pilier, même par oubli, la salat n'est pas valable. Il faut absolument venir avec ce pilier. Il faut absolument venir avec ce pilier. Et si, c'est une des différences entre le pilier et la condition. La condition, s'il ne l'a pas, il va sortir de salat pour aller prendre cette condition. Par exemple, il était dénudé, par exemple, il n'avait pas le dos. Alors que le pilier, il continue, mais il ne comptabilise pas cette faute ou cette raka'a dans laquelle il a manqué ce pilier. Donc, s'il n'a pas atteint l'autre pilier, il revient en arrière et il fait le pilier. Il allait descendre, il était en train de descendre, il se rappelle qu'il n'a pas fait. Il revient, il fait le ruku'. Puis il se relève du ruku'. Puis il descend en sujoud. Mais s'il est en sujoud, il est dans la deuxième raka'a. Il est en sujoud et il a poursuivi. Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut revenir en arrière? Non. Il ne comptabilise pas la première raka'a. Il continue. Et lorsqu'il se relève pour la seconde, ça devient la première. Ça devient la première. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est important. Barakallahu fikum. Et il ne comptabilise donc pas ce sujoud-là. Et à la fin de la salat, il fera sujoud sahou, il refera tasyah. At-tashahud al-akhir, c'est un autre pilier, le dernier tashahud. C'est un autre pilier. Comme le hadith d'Abdullah ibn Saoud radiallahu anhu. Il nous dit, kunna naqulu qabla yufrada alayna at-tashahud. On disait avant que le tashahud nous devienne obligatoire, assalamu ala Allah min ibad, assalamu ala Jibril wa Mika'il. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, la taqulu assalamu, la taqulu assalamu ala Allah min ibadi, fa inna Allah huwa as-salam. ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Donc au début, avant que ne soit légiféré en dieu obligatoire le tashahhud, il disait que le salam soit sur Allah de la part du serviteur, que le salam soit sur Jibril et Mikaïl et ainsi de suite. Le prophète m'a dit, ne dites pas salam sur Allah, que la paix soit sur Allah. Allah lui-même c'est salam. Allah lui-même c'est salam. As-salim min al-uyub wal-naqas. C'est celui qui est exempt de tout défaut, de toute imperfection. Allah c'est lui as-salam. Al-musalim ou bien الذي يسلم غيره من العيوب والنقائص et celui qui purifie autre ou celui qui purifie les choses du mal, des défauts et autres. D'accord? Donc je peux pas dire assalamu ala Allah. Ah, c'est une erreur. Naam, c'est une erreur. D'où l'importance d'étudier l'aqida et le comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des paroles. Non, en fréquentant les gens de science, on les corrige. Puis l'auteur a expliqué التشهد. نعم التحيات لله أي جميع التعظيمات التعظيمات لله ملكا واستحقاقا. Toutes les immensifications reviennent à Allah Azza wa Jal de droit et de propriété. Il le mérite et il le possède subhanahu wa ta'ala. Comme le fait de, quand tu t'inclines en recours, et quand tu te prosternes, et ainsi de suite. Tout ça, ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui donne ça à autre qu'Allah azza wa jalla, c'est du shirk akbar. Celui qui se prosterne devant la créature, s'incline, lui donne une adoration. Ça, c'est du shirk akbar. La personne sort de l'islam, wal'iyadhu billah. Et de là, tu vois une faute que certains font. Certains qui sont très respectueux. Souvent, ils viennent d'Afrique. Qu'est-ce qu'ils font quand ils saluent? Ils s'inclinent comme ça un peu. Vous avez compris? Lui, quand il fait ça, c'est pour montrer qu'il te respecte beaucoup. Qu'il t'apprécie ou bien qu'il te respecte beaucoup. Malgré ça, on ne revient pas à son intention. On revient en shara. C'est interdit. Parce que c'est une cause d'exagérer sur les créatures et c'est une exagération en soi et c'est une cause de tomber dans le shirk. Donc celui qui reçoit cette action-là, il retient la personne et il lui dit avec tout le respect, avec tout l'amour et la considération qu'on a les uns pour les autres, on se salue comme tu as fait en se serrant la main et ainsi de suite. Mais tu restes droit à partir d'aujourd'hui. Je n'aime pas cela. Il ne faut pas cela. Et tu lui expliques à ta tawhid. D'accord? Il ne faut pas se baisser comme ça. Naam, tu courbes. Tu te courbes comme ça ou tu baisses le dos. Ça peut être grave. C'est une erreur. C'est une erreur. Et ça peut amener à des choses graves. Ou pire. Naam. Cheikh Abdel Razak, Abdel Ta'ala, beaucoup fait cette remarque. Et tayyiba. إن الله طيب نقبل إلى طيبة. Et les bonnes choses. Que ce soit dans les paroles, dans les actions. Non. Quant à Shahada, son sens, لا معبود بحق إلا الله, ne limite ni traduire, excepté Allah. Et أشهد أن محمد عبده ورسوله. T'affirmes que Mohammed est le messager d'Allah, son serviteur et son messager, ensuite tu donnes sa position. Ni tu l'adores parce que c'est un serviteur, ni tu rejettes sa prophétie, tu le désobéis car c'est un prophète et un messager. At-tashahhud al-akhir. At-tashahhud madha al-akhir. C'est lorsque tu le prononces dans la dernière raka'a avant le taslim. Dans la dernière raka'a avec at-taslim. Et dans la salat, quand tu passes le salam, dans la part tu demandes le salam d'Allah sur Ibadillah Salihin, sur les serviteurs pieux, ça va sur tous les croyants. Ça va sur tous les croyants. Une personne un jour a dit, j'espère que tu fais du'a pour moi. Il lui a dit, toi, jamais je t'ai oublié dans une salat. Dans chaque salat, tu fais du'a pour toi. L'autre, il était très content. Il pensait qu'il le citait lui avec son nom cadavre. Mais lui, en fait, il a rusé. Pourquoi? Parce que lorsqu'il dit ça, lorsqu'il dit ça, il a fait du'a pour lui ou il a fait du'a pour les autres croyants. Pas pour lui particulièrement. Mais en lui disant ça, ça rentrait la joie dans son calme. Il a rentré la joie dans son calme en disant, quoi? Je n'oublie pas dans mes salats. Chaque salat, je fais du'a pour toi. Il a dit vrai ou il n'a pas dit vrai? Il a dit vrai. Il a dit vrai. Certaines paroles sont permises, que ce soit pour la blague, que ce soit pour faire croire une chose à la personne en pensant toi à une autre chose pour éviter un mal, par exemple. Comme lorsqu'Ibrahim a.s. a dit de Sarah, son épouse, c'est ma sœur, c'est-à-dire ma sœur en islam. Ou quand il a dit Inni Sakhin pour pas aller au Eid des associateurs faire le shirk, il a dit je suis malade. Elle est malade de shirk que je vois. Non, pas malade, j'ai. Elle est malade devant ce que je vois. Ça, c'est pas du mensonge, ça s'appelle Al-Ma'ari. Non, si ce n'est que les savants disent que la personne qui n'a pas beaucoup de science, elle fait attention parce que ça peut l'emmener au mensonge. Ça peut l'emmener par la suite au mensonge. Ça utilise avec juste mesure. Sallam dit par exemple que ça ne fait pas partie du mensonge quand tu réconcilies entre les gens. Une partie entre dans ça. Ou quand la parole de l'épouse pour son mari et la parole du mari pour l'épouse. Une partie entre dans cela. Ça a utilisé avec mesure. Et dans Tashahhud, tu ne peux pas changer les termes qui ne sont pas venus dans les hadiths. Parce que on nous dit dans le hadith, kana ya'allimuhum iyyah kama ya'allimuhum suratan min al-Qur'an. Il leur enseignait comme il enseigne une sourate du Qur'an. Donc c'est tawqifi, tu ne peux pas changer les termes. Et la meilleure formule de tashahhud, c'est ce qui a été rapporté par Ibn Mas'ud, sinon Bukhari et Muslim. C'est le plus authentique. Sinon, il y en a d'autres. Et après la mort du Prophète, certains parmi les Sahaba disaient Assalamu ala Nabi. Ils veulent dire Assalamu alayka ayyuha Nabi. Si ce n'est qu'Umar ibn al-Khattab, comme c'est rapporté dans le Muwatta, si mes souvenirs sont bons, alors qu'il était sur le minbar, il enseignait aux gens, il a dit Assalamu alayka ayyuha Nabi. De là, certains savants ont dit tu peux dire les deux. Assalamu alayka ayyuha Nabi et Assalamu ala Nabi. D'autres savants ont dit tu ne dis plus Assalamu alayka après sa mort, mais tu dis Assalamu ala Nabi. Wallahu a'lam. Non, c'est dans le Muwatta. Puis ce n'est pas sahih. Donc ça montre que des sahaba, après la mort du Prophète, continuent à dire Assalamu alaikum. Ça, c'est une preuve forte. Tayyib. Ensuite, الصلاه الابراهيميه تقول جعل الله صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد تقريص على النبي صلى الله عليه وسلم il y a une divergence sur le jugement de la prière sur le prophète عليه الصلاه والسلام quoi qu'il en soit à partir du moment où tu as prié sur le prophète tu as rempli l'obligation de jugement de cette action obligation du jugement de cette action-là. Ça, c'est pour As-salatu ala nabi. J'ai oublié Al-Julus ou là. Les savants disaient Tashahhud et ils disent Al-Julus ou là. Le fait d'être assis pendant Al-Tashahhud. Donc Al-Tashahhud en soi, c'est un pilier, mais le fait de le dire en position assise, c'est un pilier. Est-ce qu'on aurait pu dire Al-Tashahhud, par exemple, allongé ou debout? Est-ce que c'est possible de dire Al-Tashahhud alors que tu es debout ou allongé? Tu en serais capable ou pas? Pas possible, Shal'an, possible, capable. Oui. Donc lorsqu'on dit Wal-Julus ou là, être assis, c'est-à-dire que lorsque tu dis Al-Tashahhud, le pilier, c'est la parole, mais aussi la position. Est-ce que c'est compris? Au moment où tu dis Al-Tashahhud, tu dois être en position assise. Et le fait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le dernier pilier, c'est Tassimata. C'est le fait de dire Assalamu alaikum wa rahmatullah à sa droite et à sa gauche. Certains disent une seule fois c'est le pilier, d'autres disent non, les deux, c'est obligatoire de venir avec le deuxième également. Ainsi, nous avons étudié par la grâce d'Allah Azza wa Jal Arkan As-Salah, les 14 piliers de la prière. Les 14 piliers de la prière. Sur les termes, on ne peut pas venir avec d'autres. Par exemple, celui qui dit Allahu Akbar, est-ce qu'il peut dire Allahu Ajal? Est-ce que cette parole-là est est véridique. Allahu Kabir. Est-ce que cette parole elle est vraie ou pas? Allah est très grand. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Est-ce que cette vérité elle est bonne à dire dans cette position de la salat? Non. Pourquoi? Parce que le Prophète sallam, ce n'est pas ce qu'il a dit dans ce moment-là, dans ce contexte, dans cette position. Donc tu n'as pas le droit de venir, même avec une bonne parole, alors que le Prophète sallam ne nous a pas enseigné cela, n'a pas fait cela. Donc tu dois dire Allahu Akbar, sinon c'est pas vrai. Et pour être taslim, pareillement, je lui prends les formulations du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la meilleure façon de prier sur le Prophète sallam, c'est Salatul Ibrahimiyya. C'est Salatul Ibrahimiyya. Non. Le Prophète a enseigné cela aux Sahaba avec différentes versions. Et la meilleure est celle qu'on a citée. Et on trouve ça dans le Bukhari et d'autres recueils de Ahadith. Et tu vois les nobles compagnons des Sahaba qui ont mémorisé ça du Prophète ensuite ils ont enseigné ça aux Sahaba. L'un d'entre eux dit ça au Tabi'i, écoutez. Ne vais-je pas t'offrir un cadeau que j'ai pris du Prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit au Tabi'i, il lui dit, ne vais-je pas t'offrir un cadeau que j'ai pris du Prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le Tabi'i, c'est Abdurrahman ibn Abi Layla. Le Sahabi, c'est Ka'b ibn Ujrah. Ka'b ibn Ujrah, on a parlé de lui dans une des expéditions du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il est en état d'ihram. C'est lui qui avait des poux dans la tête et il est parti voir le Prophète sallam, très malade de cela, qui lui a dit rase-toi et tu fais le dédommagement. Naam, celui qui transgresse un interdit pour une cause, il doit sacrifier une bête et donner cela aux pauvres du haram. Donc il lui a dit, radiallahu anhu, Ala uhdi laka hadiyatan sami'tu min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ne vais-je pas t'offrir un cadeau que j'ai entendu du messager du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qultu bala, j'ai répondu certes. Fa ahdaha, il m'a offert. Yani lui-même a utilisé les termes de Ka'b ibn Ujrah radiyallahu anhu. Fa qala sa'alna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa qulna ya Rasulallah kayfa salatu alaykum ahl al-bayt? Comment s'accomplit la prière sur vous, ô messager d'Allah, vous les gens de ta famille, tes suiveurs? Fa inna Allah qad 'allamana kayfa nusalli. Allah nous a enseigné comment saluer. Qala qulu Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama sallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Remarquez ici, Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Alu shakhs, que signifie alu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Ça va en diverger. Alu al-bayt, est-ce que ce sont les gens de la famille du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ceux à qui la sadaqa est interdite? Naam, al-aqil, ja'far, ainsi de suite. Taïeb, les épouses du Prophète sallam et autres. Ou est-ce que ce sont ses suiveurs? Parce que ce terme-là vient dans le sens des suiveurs, comme dans le Coran, dans Surat Ghafir probablement. Adkhilu ala fir'aun ashadd al-'adab. Faites entrer al fir'aun ashadd al-'adab. L'épouse de Fir'aun, qui était-elle? Asya. Est-ce qu'Asya la rentre fina? Allah Azza wa Jal, dans le Coran, à la fin de Surat Tahrim, nous montre sa valeur et sa place. Naam, et qu'elle était plus préoccupée à l'envie de rencontrer son Seigneur subhanahu wa ta'ala et d'être dans ses jardins que d'échapper au mal de Pharaon. Naam, si on médite le verset, est-ce qu'elle a dit Najjini min Pharaon? Puis elle a demandé Al-Jiwar, ou elle a demandé d'abord Al-Jiwar et ensuite d'être sauvée de Pharaon? Ça montre la quoi de iman et shawq qu'elle avait de revenir dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, les savants disent que c'est un des meilleurs bienfaits dans le dunya. Et Et le meilleur bienfait dans l'au-delà, c'est nazar ila wajhi Allah azza wa jalla. Et le prophète sallam a joint entre ces deux choses-là dans le dua. Le prophète sallam a joint entre ces deux choses-là dans le dua. Le fait d'avoir un amour ardent de rencontrer Allah azza wa jalla et le fait de voir son visage. Donc, dunya, c'est un grand bienfait et l'autre dans l'au-delà, c'est le plus grand bienfait. Allah dans le Coran, en surat al-Ahzab, le verset 56, on s'arrêtera. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslim. Abu al-Aliya dit que salatu ala nabi sallam, son sens c'est thana'ullah. C'est les éloges d'Allah azza wa jal faites au prophète sallam, inda al-mala al-a'la. Près des anges rapprochés. Près des anges rapprochés. L'imam Bukhari a cité cela. Si je me souviens bien, mu'allaqan dans son sahih. Et il a renseigné ici la manière de prier sur le prophète, le nom de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voici 14 piliers de la prière. 5 sont des paroles. Takbiratul Ihram, lecture de l'Fatiha, Tashahudul Akhir, la prière sur le Prophète, et Taslimatan. Et le reste, ce sont des actions. Le reste, ce sont des actions. Alhamdulillah, alladhi bi ni'mati atimmu s-salihat. On s'excusera pour la longueur. C'était pour finir ce chapitre, afin qu'il nous reste les obligations dans le premier cours. Après avoir vu les conditions, et si on a vu les piliers, on verra inshallah les obligations inshallah ta'ala avec certaines sunan. Wa sallallahumma barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayy ya qayyum bi rahmatika nasta'in fa sahhih shana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك